Que manera de ya sumabo sumani biogera son la opción de la vida. Ello, yo y hago ni de pie ni de soy en la suma de niña. De la uso y en la opio y en la ma. Ahora, de la narema. Donc ce matin, Sayado a donné des instructions concernant la pratique de la méditation qui sont pour le moment assez complètes. Ces instructions sont assez complètes pour le yogi qui est expérimenté. Il devrait pouvoir continuer sa pratique sans trop de soucis. Par contre, en ce qui concerne le yogi débutant, bien que ces instructions soient claires, il ne sera pas si facile de les mettre en œuvre. Et il sera sûrement très probable que le méditant débutant rencontre certaines difficultés. Parce qu'il n'a par exemple pas l'habitude d'observer l'objet, que par exemple des douleurs apparaissent. Aussi, il devra faire preuve de beaucoup d'efforts et de courage pour pouvoir commencer et poursuivre sa pratique. Écouter fréquemment ces instructions de méditation, en fait, bien qu'elles soient simples, n'est pas ennuyant, même pour le yogi qui a de l'expérience. En effet, à chaque fois que l'on écoute les instructions de méditation, une nouvelle compréhension peut surgir. Ou par exemple, eh bien à ce moment-là, on comprend que l'on arrive à appliquer les instructions et que l'objet est observé de façon claire, et donc on peut s'en réjouir. Ou on peut prendre conscience de nouveaux points qu'avant nous n'avions pas compris. Donc écouter encore et encore les instructions est très bénéfique. Le méditant écoute les instructions de méditation, ensuite va les mettre en œuvre, va pratiquer. Il est ensuite nécessaire qu'il discute de ses expériences de méditation avec le maître de méditation. En effet, des fois, sa pratique peut être bonne ou mauvaise. Il peut y avoir des faiblesses, des lacunes, des points à élucider. C'est pourquoi, lors de la discussion avec le maître de méditation pourra l'aider, le remettre sur le droit chemin ou lui donner des conseils qui pourront l'aider. Et maintenant, le Vénérable va nous expliquer comment présenter ses expériences lors de cette discussion ou entretien avec le maître de méditation. Donc, cette discussion avec le maître de méditation est tout simplement un moment, un espace-temps où on peut faire un rapport de ses expériences au maître de méditation, de façon très simple et claire. Nous expliquons quelles sont les difficultés que nous avons eues, nous expliquons si notre pratique est bonne ou si elle est mauvaise, si nous avons des difficultés. Nous commençons notre rapport en décrivant notre pratique en assise. Et dans la méditation assise, nous commençons par présenter comment est-ce que nous avons observé l'objet primaire, c'est-à-dire le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, avec le plus de précision et de brièveté possible. Il y a une manière donc très simple de présenter ces expériences. Par exemple, en ce qui concerne l'objet primaire et le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, eh bien, l'abdomen s'est soulevé. Il y a eu un mouvement d'expansion. Et donc, nous avons appliqué notre esprit à l'objet, nous l'avons contemplé, nous l'avons observé. Ceci, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, donc, en l'observant, qu'avons-nous ressenti? Qu'avons-nous vu? Qu'avons-nous expérimenté? Qu'avons-nous compris? Ce deuxième point est très important. Nous respirons, nous inspirons par exemple normalement, lentement, naturellement. Ce moment-là, donc, nous observons le mouvement au niveau de l'abdomen et nous pouvons dire à l'enseignant, avons-nous réussi à observer le mouvement de façon précise? Est-ce que l'esprit était vraiment collé à l'objet ou est-ce qu'il était loin de l'objet? Donc ceci, nous pouvons l'expliquer à l'enseignant. Qu'on essaie d'observer les sensations, les mouvements au niveau de l'abdomen. Nous essayons d'observer, donc par exemple, le soulèvement de l'abdomen. Arrivons-nous à observer le mouvement de l'abdomen depuis le début du soulèvement, ensuite jusqu'à sa progression, le milieu, et jusqu'à la fin? Si oui, nous pouvons l'expliquer au maître de méditation. Sinon, eh bien, nous pouvons lui dire aussi que nous n'y arrivons pas encore. De la même façon, pour l'abaissement de l'abdomen, nous devons nous efforcer d'observer le mouvement depuis le début, le milieu et la fin. Seulement, en général, pour beaucoup de méditants, cela est encore très difficile. Par exemple, le méditant arrive à voir le début du soulèvement ou le début de l'abaissement, mais ensuite, la progression, le milieu et la fin du mouvement ne lui est plus claire. Donc cela, nous pouvons l'expliquer au vénérable. Imaginons que donc le soulèvement ou l'abaissement de l'abdomen se passe en 3 secondes, avec 1 seconde pour le début, le milieu et la fin. Donc si notre attention peut être continue durant ces 3 phases du mouvement, le milieu et le début et la fin, pendant les 3 secondes, eh bien nous allons pouvoir donc connaître ce mouvement-là depuis le début, le milieu et la fin. Si par exemple nous ne voyons que le début et la fin, mais nous manquons le milieu, eh bien à ce moment-là, nous ne sommes conscients que 2 secondes. Ou par exemple, si nous voyons que la fin et le milieu, mais pas le début, donc nous ne voyons que 2 secondes sur 3 secondes. À ce moment-là donc, parmi les 3 secondes de la durée de l'entièreté du mouvement, eh bien il y a 1 seconde où il n'y a pas d'attention, et on peut dire qu'il y a 1 seconde de perdu. À cet instant précis où il n'y a pas d'attention, à ce moment où de seconde perdue, entre guillemets, eh bien, il n'y a pas de connaissance, pas de sagesse. À ce moment-là, l'ignorance a pénétré notre conscience. Ensuite, quand nous observons donc le mouvement au niveau de l'abdomen, de quoi sommes-nous conscients? Qu'est-ce que nous percevons? Est-ce que nous percevons juste l'abdomen dans sa globalité qui bouge, l'image de l'abdomen, la forme de l'abdomen qui bouge, ou ressentons-nous d'autres sensations? Percevons-nous d'autres choses un peu plus profondes? En effet, pourquoi est-ce qu'il y a mouvement dans l'abdomen? En fait, l'abdomen se met à bouger parce qu'il y a à l'intérieur du ventre l'élément air, Vayu Dhatu en pali. Cet élément air qui bouge dans le ventre cause donc des mouvements d'ascension et d'abaissement de l'abdomen. Quand l'élément air bouge en haut, il y a un soulèvement de l'abdomen. Quand l'élément air bouge en bas, il y a soulèvement de l'abdomen. En fait, ce qui intéresse le yogi ici, c'est de connaître la nature de cet élément air, Vayu Dhatu. C'est pourquoi nous observons les sensations et les mouvements au niveau de l'abdomen. C'est cet élément air, Vayu Dhatu, qui nous intéresse plus que le ventre en lui-même ou l'abdomen en lui-même. Quand nous observons donc le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, que percevons-nous, qu'expérimentons-nous? Est-ce que nous expérimentons juste l'abdomen qui se soulève et qui s'abaisse, ou ressentons-nous à l'intérieur des sensations telles que par exemple la tension, la dureté, la contraction? Cela, nous pouvons l'expliquer, nous devons également en être conscients et donc l'expliquer au maître de méditation. En effet, parmi les 4 éléments, l'élément air, l'élément eau, etc., eh bien, ce qui intéresse le yogi dans l'observation de l'abdomen, c'est l'élément air. Et donc, c'est pour connaître la nature de l'élément air. Et c'est pour cela que l'on médite. C'est la pratique de la méditation. Lorsque nous faisons notre rapport à l'enseignant, il y a une structure très simple que l'on peut suivre et qui peut aider l'enseignant. C'est une structure en 3 temps. Le premier, c'est quel objet est apparu, l'apparition de l'objet. Deuxièmement, est-ce qu'on l'a contemplé ou non, observé ou non? Et ensuite, qu'est-ce que nous avons compris? Qu'est-ce que nous avons ressenti ou qu'est-ce que nous avons vu? Par exemple, Si on prend comme exemple le soulèvement de l'abdomen, eh bien, le soulèvement de l'abdomen est apparu, il s'est manifesté. Ça, c'est le premier point. Ensuite, est-ce que je l'ai observé? Est-ce que j'ai pu le contempler? Oui ou non? Donc, on peut l'expliquer. Ensuite, je l'ai observé. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai ressenti? De la même façon pour l'abaissement de l'abdomen. Le premier point, l'abaissement est apparu ou l'abaissement s'est manifesté. Ensuite, je l'ai observé ou je n'ai pas pu l'observer. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai ressenti ceci, j'ai ressenti cela, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Donc, cette structure en trois points peut s'appliquer à tous les objets que l'on note. Parmi ces trois points, ces trois aspects qui viennent d'être énumérés, l'apparition de l'objet, ensuite sa contemplation, son observation, et ce que l'on a compris, c'est le troisième point qui est le plus important. En effet, ce troisième point, ce que l'on a perçu de l'objet, ce que l'on a compris ou expérimenté, c'est en fait la connaissance que nous avons développée, la connaissance que nous avons eue de l'objet. Et donc, si on s'assoit et que donc un objet apparaisse, qu'on l'observe, mais qu'on ne sait rien de cet objet, eh bien, on ne fait que s'asseoir et puis c'est tout. On ne retire rien de cela, on ne comprend rien. Donc en fait, il n'y a aucun bénéfice, juste à s'asseoir et puis c'est tout. C'est pourquoi ce dernier aspect, donc la prise de conscience que nous avons développée de l'objet, ce que nous avons perçu, vu, expérimenté, c'est la partie la plus importante. Pour donner un exemple, supposez un élève qui est assis à sa table d'études avec son livre. Il lit pendant une heure. Si après l'heure, on lui demande « Alors, qu'as-tu retenu du livre? Quels sont les faits importants qui t'ont marqué ?» Et si l'étudiant, l'élève répond « Bah, rien du tout », dans ces cas-là, en effet, son heure de lecture ne lui a pas du tout été bénéfique, elle a été vaine. Ce dernier aspect, qu'avons-nous compris en observant l'objet? Qu'avons-nous vu, expérimenté, senti? Qu'avons-nous su? C'est la partie la plus importante. Juste s'asseoir n'est pas suffisant. En fait, l'objet d'observation est le même pour tout le monde. C'est tout simplement l'abdomen, les sensations et les mouvements au niveau de l'abdomen. Par contre, selon le niveau et le degré de concentration samadhi que l'on a développé, ce que l'on a compris de l'objet va bien sûr différer. Par exemple, Sayado va observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, et bien en effet, c'est le même objet pour Sayado. Ou un yogi débutant et un yogi expérimenté, c'est toujours le même objet, soulèvement et abaissement de l'abdomen. Par contre, le développement de la concentration du débutant, de l'expérimenté, de Sayado, est bien sûr différente. Ce qui fait que ce qu'ils vont percevoir, comprendre, prendre conscience de l'objet va être différent. Cela dépend donc de Samadhi, la concentration. Imaginons également une page de lecture, que ce soit un jeune enfant, un enfant dans le secondaire ou un lecteur beaucoup plus expérimenté. Bien que la lecture soit la même ou que le sujet soit le même, leur compréhension sera différente. Leur compréhension du sujet sera différente. Nous essayons d'observer donc les sensations et les mouvements au niveau de l'abdomen. Et donc nous devons être vigilants pour voir est-ce que notre esprit arrive à observer, est-ce que notre esprit arrive à observer cet objet ou non? Est-ce que nous arrivons à appliquer notre attention à l'objet ou est-ce que nous n'arrivons pas à appliquer notre attention à l'objet? Ensuite, si nous arrivons à observer l'objet, arrivons-nous à suivre l'objet depuis le début jusqu'à la fin, oui ou non? Donc, nous devons être vigilants par rapport à cela. Et ainsi, en observant ainsi le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, eh bien notre concentration, samadhi, va se développer. Et nous allons pouvoir comprendre la nature du soulèvement et l'abaissement de l'abdomen tel qu'il se produit, tel qu'il se manifeste. De la même façon, donc là c'était les explications pour l'objet primaire, le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Il en est de même pour tout autre objet tel que la douleur. Imaginez qu'une sensation désagréable apparaisse. Donc, c'est le premier point. Ensuite, eh bien, Est-ce que vous l'observez ou est-ce que vous ne l'observez pas? Si vous l'observez, que ressentez-vous? De quoi prenez-vous conscience? De quoi prenez-vous conscience? Par exemple, la sensation désagréable apparaît. Je la note, telle que douleur, douleur ou mal, mal, mal. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je ressens? On peut par exemple, vous allez peut-être voir donc la nature de la douleur. Vous allez voir comment est-ce que justement elle se manifeste. Vous allez pouvoir voir est-ce que la douleur augmente en intensité, est-ce qu'elle diminue en intensité ou est-ce qu'elle stagne. Donc cela, c'est la compréhension que nous avons de l'objet. Donc ainsi, en observant la douleur, nous allons pouvoir comprendre la douleur, comprendre sa nature. Par exemple, nous allons voir que la douleur apparaît à un endroit et puis au fur et à mesure commence à se déplacer à un autre endroit. Donc ça, c'est comprendre la nature de la douleur. Il se peut aussi que la douleur augmente tellement que l'envie de bouger surgisse. À ce moment-là, nous devons l'observer et après à nous de décider est-ce qu'il est vraiment opportun de changer de position, de bouger, oui ou non. Donc cela nous appartient, c'est à nous de voir. Mais en fait, quand la douleur arrive, il est très recommandé de ne pas bouger tout de suite et d'essayer d'être patient et de l'observer tant que l'on peut. En fait, même si c'est très douloureux, il est très intéressant de l'observer et on peut comprendre beaucoup de choses. Il est très bénéfique. Et en plus, notre concentration va pouvoir se développer. Comme nous ne bougeons pas. Notre concentration va pouvoir s'approfondir et nous allons pouvoir comprendre la nature de la douleur, de la sensation désagréable. Donc Sayadaw dit qu'il ne faut pas avoir peur de la douleur. Et quand vous vous asseyez, est-ce que vous attendez avec impatience la fin de l'heure ou pas? Donc Sayadaw explique que nous devons pratiquer avec beaucoup de courage, avec beaucoup de bravoure. Et seulement en pratiquant avec courage et bravoure, nous allons pouvoir comprendre la nature de la douleur de l'objet. Maharishi Sayadaw a en effet expliqué que personne n'était mort de la pratique. Oui, en effet, ce n'est pas un travail si dur que l'on vous donne. Il suffit juste de s'asseoir ici. Et rien de très compliqué et très douloureux. Et c'est pour ça que Sayadaw se dit que peut-être c'est trop simple, peut-être qu'il faudrait qu'il vous donne l'instruction de s'asseoir 2 heures d'affilée. Et comme ça, tout le monde partira demain, s'en irait demain. En fait, cette sensation douloureuse, ce n'est pas si terrible que ça. Elle n'est pas si intense que cela en elle-même. Ce qui s'intensifie, c'est notre concentration. Samadhi. Comme notre concentration, Samadhi, se développe, s'intensifie, la douleur nous apparaît comme si elle était donc plus intense, plus grande. En fait, quand nous sommes chez nous, nous avons toujours beaucoup de sensations désagréables dans le corps. Cependant, comme nous bougeons à chaque fois qu'elles apparaissent pour les soulager, eh bien, elles ne nous semblent pas si apparentes, elles ne sont pas claires à notre conscience. Par contre, ici, comme notre concentration donc se développe, eh bien ces douleurs-là apparaissent de façon beaucoup plus claire et distincte. Et c'est pour ça que nous devons pratiquer avec vraiment courage et bravoure, et aussi beaucoup de patience. Avec ces qualités-là dans notre esprit, notre pratique va progresser très rapidement. Donc notre pratique va progresser très rapidement et notre compréhension également va se développer très rapidement. Ça, c'était pour la contemplation des sensations. Ensuite, maintenant, venons-en à la contemplation des pensées de l'esprit, citta nupassana. Donc, il se peut que des pensées surgissent. À ce moment-là, donc, vous devez les observer, les contempler. Par exemple, penser, penser, etc. Si, par exemple, vous vous voyez arriver chez vous, notez arriver, arriver, arriver. De la même façon, une fois que vous avez observé l'objet, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'avez-vous compris? Qu'avez-vous ressenti? Donc la pensée surgit, ou la pensée surgit, on la note pensée, pensée, ou arriver, arriver si on arrive chez soi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? De quoi sommes-nous conscients? Cela signifie par exemple, Est-ce que la pensée s'est arrêtée? Est-ce qu'elle a disparu? Ou au contraire, est-ce qu'elle continue? Et par exemple, si la pensée s'est arrêtée, qu'elle a disparu, que s'est-il passé après? Sommes-nous, l'esprit est-il revenu sur le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen? Ou est-il parti observer un autre objet? Donc, que s'est-il passé? C'est très important. Donc, nous observons la pensée discursive. Donc, elle s'est arrêtée. Une fois qu'elle s'est arrêtée, nous sommes revenus sur le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Et donc, de la même façon, nous continuons à observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, donc selon les trois points qui viennent d'être évoqués, c'est-à-dire l'apparition, la contemplation et ensuite ce que nous avons compris de cela. Il se peut aussi que malgré que nous notions la pensée, pensée, pensée, pensée, elle ne disparaisse pas. En fait, ce qu'il se passe, c'est que l'esprit, en fait, s'attache à la pensée. Il l'aime, il l'apprécie. Et en plus, et c'est pourquoi donc, il ne peut pas observer avec précision. Et donc, il y a également encore l'envie de penser. Nous voulons encore penser. Et c'est pourquoi donc, la note n'est pas efficace. Et nous pouvons donc nous mettre à vagabonder assez longtemps. C'est pourquoi il est très important d'observer les pensées avec vraiment précision. Ensuite, maintenant, nous allons parler de Dhamma Nupassana, donc la contemplation des objets mentaux. Supposons que lors de la pratique de la méditation, dans notre imagination, nous voyons des choses, ou nous entendons des choses. À ce moment-là, nous devons donc observer, voir, voir, voir, ou entendre, entendre, entendre. Donc c'est le premier et le deuxième point. La vision est apparue. Nous l'avons noté, ou le son est apparu, nous l'avons noté. Ensuite, que s'est-il passé? Troisième point, le plus important. Que s'est-il passé? Est-ce que la vision a disparu? Ou continue-t-elle? Est-elle toujours présente? Ensuite, si la vision ou le son a disparu, que s'est-il passé après? Qu'avons-nous observé? Ceci, nous devons l'expliquer aux vénérables. Est-ce que, par exemple, nous sommes revenus à observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, ou est-ce que notre attention est revenue sur la douleur? Donc, ceci étaient les explications concernant les quatre fondements de l'attention. Et donc, si nous pouvons observer les objets avec précision, avec vigilance, avec énergie, il est très fort probable que ces objets soient amenés à disparaître. Et en général, s'ils reviennent toujours, s'ils se manifestent toujours, c'est que notre attention est encore pauvre et faible. De la même façon, lors de la marche méditative, eh bien, nous devons observer avec précision, avec vigilance, le mouvement des pieds, gauche-droite, gauche-droite. Est-ce qu'il arrive que des fois, nous soyons confus avec le pied gauche et le pied droit, que nous mélangeons les deux. Des fois, nous avons marché jusqu'à la fin de la piste, et puis à la fin de la piste, nous nous rendons compte que finalement, notre esprit était ailleurs pendant tout le chemin, et que nous ne sommes conscients de rien du tout. Ça y a d'autres dit qu'en effet, c'est une concentration très bonne. C'est le signe d'une concentration très profonde. Donc ça, c'était pour la marche en un temps, de la même pour la marche en deux temps. Il est très important que nous essayions donc de suivre le mouvement des pas, depuis le début du mouvement jusqu'à la fin, depuis le début de la levée jusqu'à la fin, depuis le début de la levée jusqu'à la fin de la levée, et depuis depuis le début de la pause jusqu'à la fin de la pause. Donc nous devons nous efforcer donc à appliquer notre attention depuis vraiment le début de la levée du pied, et au fur et à mesure suivre le pied qui se soulève au fur et à mesure, jusqu'à donc la fin du mouvement. Et ensuite, quand le pied commence à s'abaisser, appliquer notre esprit à ce mouvement de pause, à ce mouvement qui descend, depuis le début, le milieu, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le pied touche le sol. Pour que notre marche méditative soit bonne, il y a deux conditions que nous devons remplir, qu'elle doit remplir. Alors la première condition, c'est que nos yeux c'est que nous gardions les yeux à peu près à 1 ou 2 mètres du sol. C'est-à-dire que nous ne laissions pas notre regard se perdre à droite, à gauche. Cela est très important, d'abaisser les yeux. Nous devons juste garder les yeux ouverts, mais juste abaissés au sol, en laissant notre regard se poser à 1 ou 2 mètres du sol. Nous n'avons pas besoin de baisser le cou, mais juste les yeux. Le deuxième point est que nous devons observer les mouvements du pied. Non le pied en lui-même, mais vraiment appliquer notre attention au mouvement. Si ces deux conditions sont remplies, la première étant donc d'avoir notre regard protégé, avec les yeux abaissés au sol à 1 ou 2 mètres, et la deuxième condition étant d'observer les mouvements du pied, si ces deux conditions sont remplies, notre marche méditative sera bonne. Ensuite, un autre point est que nous n'avons pas besoin de faire des grands pas, donc juste de faire des pas moyens suffisamment. Nous n'avons pas besoin de faire des grandes enjambées. Ensuite, donc nous pratiquons la marche méditative sur une piste de marche. À la fin de la piste, eh bien, nous ne devons pas tout de suite nous retourner. Nous pouvons nous arrêter quelques instants et observer cette posture statique, telle que debout, debout, debout. Nous observons ainsi la posture statique pendant 2 ou 3 notes et ensuite nous tournons. Durant ce mouvement de rotation, eh bien, nous devons également contempler ce mouvement de rotation en notant par exemple tourner, tourner, tourner. Donc ainsi, donc à la fin de la piste, il y a donc 3 choses que nous pouvons noter. Donc debout, debout, debout, en observant donc la position statique du corps. Ensuite, le mouvement de rotation du corps, tourner, tourner, tourner. Et ensuite, avant de reprendre tout de suite la marche, nous devons également observer la position statique, debout, debout, debout, avant de reprendre la marche, telle que lever, poser, lever, poser. Donc, pour reprendre, à la fin de la piste, nous notons debout, debout, ensuite tourner, tourner, et ensuite debout, debout, et nous continuons la marche. Pour les yogis expérimentés, vous pouvez également rajouter 2 notes mentales, une autre note mentale qui est l'envie de tourner. Envie de tourner, envie de tourner, envie de tourner, et ensuite tourner, tourner, tourner, tourner. Oh non, trois tenez, non, bien. Et ensuite, donc, debout, debout, debout, envie de tourner, envie de tourner, envie de tourner, tourner, tourner, tourner. Ensuite, debout, debout, debout. Et ensuite, envie de lever, envie de lever, envie de lever. Donc, vous pouvez rajouter ainsi 2 notes mentales en plus. Ce qui fait donc 5 en tout. Quant à la position des mains, vous pouvez les garder, il est très conseillé de les garder jointes, soit devant vous ou derrière vous. L'idée, c'est de ne pas laisser les mains suspendre le long du corps, et de sorte qu'elle ne se balance pas le long du corps. Lors de la pose du pied, eh bien, vous pouvez tout simplement poser le pied à plat, c'est-à-dire avec la voûte plantaire à plat, d'un trait comme ça. Ce n'est pas la peine de commencer par poser le talon ou par poser la pointe du pied, mais tout simplement le pied d'un seul bloc à plat. Ensuite, quand vous marchez, eh bien donc, ce n'est pas la peine de faire des grands pas, des grandes enjambées. Vous pouvez juste faire des pas qui sont, on va dire, comment dire, qui sont aussi grands que votre pied. Voilà, qu'il n'y ait donc pas un grand espace entre un pas et l'autre, mais en fin de compte, juste en fin de compte, la distance d'un pied, quoi, il y a également donc la pratique dans les activités quotidiennes. Donc cela implique donc toutes les activités, tous les mouvements que nous faisons dans la journée, tels que nous lever, nous asseoir, nous brosser les dents, nous habiller, etc., manger. Par exemple, si nous ouvrons la porte, nous pouvons avant observer, contempler l'intention d'ouvrir la porte. Envie d'ouvrir, envie d'ouvrir. Ensuite, il y a le bras qui s'étire. Donc, étirer ou bouger, bouger, bouger. Ensuite, il y a la main qui touche la poignée de la porte, toucher, toucher, toucher. Ensuite, il y a la pression de la main ou la poignée qui tourne, donc tourner, tourner, tourner. Et ensuite, il y a on peut pousser la porte ou on peut la tirer. Donc tout cela, nous pouvons l'observer en détail. Pendant les repas également, il est très intéressant de noter, par exemple, voir les aliments, ensuite le bras qui s'étire pour prendre la fourchette, toucher, toucher, toucher, prendre la fourchette, ensuite prendre la nourriture, amener la nourriture à la bouche, ouvrir la bouche, mettre la nourriture dans la bouche, mâcher l'aliment, avaler l'aliment. Donc, toutes ces séquences-là peuvent être observées également. C'est pourquoi le Bouddha a recommandé que le méditant devrait se comporter comme un malade, comme un invalide. En effet, une personne qui est malade ou invalide ne peut pas se déplacer lentement. Et ainsi, en se comportant comme un malade, en ralentissant nos mouvements, nous laissons le temps et la possibilité à l'esprit de suivre les mouvements. En effet, si nous agissons, nous nous mouvons au même rythme que dans la vie quotidienne, eh bien notre esprit n'aura pas le temps de saisir et de suivre donc tous les mouvements. Notre concentration n'est pas assez forte. Et par exemple, le Bouddha a donné l'exemple d'un ventilateur, par exemple. Si le ventilateur tourne très vite, nous ne savons pas combien de... Comment ça s'appelle? Des pans? Des pales. Nous ne savons pas combien de pales il y a. Par contre, si la roue du ventilateur tourne de façon très lente, eh bien nous pouvons distinguer combien de pales sont constituées, sont présentes. Donc de la même façon, si nous bougeons trop vite, nous n'allons pas comprendre ce qu'il se passe. Par contre, si nous ralentissons naturellement le mouvement, nous allons pouvoir comprendre en détail ce qu'il se passe. Donc, lors de l'entretien avec le maître de méditation, nous n'avons pas besoin de relater toutes nos séances de méditation. Toutes celles du matin, toutes celles du soir et toutes celles du midi. Il nous suffit tout simplement de choisir celles qui sont les plus significatives, celles qui sont les meilleures ou celles dans lesquelles nous avons le plus de difficultés, et donc les résumer et les expliquer à Sayado. Vous n'avez pas besoin non plus de relater toutes vos expériences en détail, mais seulement donc ce qu'il s'est passé au niveau de l'assise, ce qu'il s'est passé au niveau de la marche méditative et dans les activités quotidiennes, en commençant par cet ordre-là. Donc le vénérable pense que maintenant vous allez être capable de faire des rapports clairs. Avec les instructions de ce matin et celles de ce soir, vous êtes maintenant bien armé pour continuer votre pratique. Et Sayado se dit que maintenant, peut-être que vous n'avez même plus besoin d'autres enseignements les jours suivants. Donc, le Vénérable va maintenant conclure cet enseignement en nous souhaitant que nous puissions tous observer tous les objets qui apparaissent et ainsi développer notre concentration. Que notre entraînement à la concentration puisse être mature et qu'ainsi, Panyasika, l'entraînement à la sagesse, puisse ainsi se développer également, maturer et que nous puissions ainsi atteindre Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.